m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues. Et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. À l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval. Elles étaient toutes à égale distance. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres, dans une route étroite qui n'a que 7 pieds de large, était un peu enlevée à droite et à gauche, à 3,5 pieds au milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de 3,5 pieds, qui par ses mouvements de droite et de gauche a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres qui formaient un berceau de 5 pieds de haut les feuilles des branches nouvellement tombées. Et j'ai connu que ce cheval y avait touché et qu'ainsi il avait 5 pieds de haut. Quant à son mort, il doit être d'or à 23 carats, car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin par les marques que ses fers ont laissées sur les cailloux d'une autre espèce qu'il était ferré d'argent à 11 deniers de fin. Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadie. La nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre et dans le cabinet. Et quoique plusieurs mages opinassent qu'on devait le brûler comme sorcier, le roi ordonna qu'on lui rendît l'amende de 400 onces d'or à laquelle il avait été condamné. Le greffier, les huissiers, les procureurs vinrent chez lui en grand appareil lui rapporter ses 400 onces. Ils en retinrent seulement 398 pour les frais de justice et leurs valets demandèrent des honoraires. Zadig vit combien il était dangereux quelquefois d'être trop savant. Il se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'État s'échappa. Il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig, il ne répondit rien. Mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à 500 onces d'or et il remercia ses juges de leur indulgence selon la coutume de Babylone. « Grand Dieu, dit-il en lui-même, qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé. Qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie.